Extrait deuxième, veillée d'armes. Est-ce que vous allez me laisser sur ce mauvais bateau marchand ? La question était faite sur un ton d'effroi qui fait rire Clavaillant. Te laisser ? Non pas, mon ami. Tu as assez souffert avec nous, surtout depuis 3 jours, pour avoir mérité de garder ta place sur mon brave break. Tu es désormais un homme, que Sainte-Anne protège les tiens. La nuit s'acheva dans cet état d'esprit si différent de celui de la matinée. Un véritable enthousiasme animait Jacques et ses compagnons. Sur son ordre, Will et les deux matelots allaient dormir quelques heures. Ils auraient besoin de toute leur force pour la journée du lendemain. Ainsi que l'avait dit le marquis, au soleil levant, on put voir les deux vaisseaux corsaires émerger de la brume, toute voile dehors. C'était le Revenant avec ses 58 canons, la Sainte-Anne avec ses 18 pièces. En les additionnant aux 34 bouches à feu et aux 250 hommes de la Confiance, on arrivait au chiffre superbe de 870 combattants et de 110 canons. Avec cela, on pouvait livrer bataille. Cependant, l'Anglais n'avait pas changé sa route. Bravement, il continuait à s'avancer sous le vent, fier de sa supériorité d'armement et se jugeant invincible. Il osait courir au-devant de la lutte. La frégate, le Kent, avait en effet 70 canons. Chacune des deux corvettes Eagle et Queen Elizabeth en portait 20. C'était donc à égalité d'armes qu'on allait combattre, du moins sous le rapport du nombre des canons. Car en ce qui concernait le chiffre de l'équipage, les 3 vaisseaux anglais représentaient 1 millier d'hommes. Grande fut donc la surprise des marins français lorsque les signaux du Revenant donnèrent l'ordre de battre en retraite. On prit chasse devant l'ennemi, ce qui n'alla pas sans provoquer quelques murmures. Mais la seule vue de Surcouf suffit à les réprimer. Déjà le marquis, Ebel, Ustaritz et Will était retourné sur la Sainte-Anne. Le Good Hope marchait au milieu de la flottille, protégé par la Confiance qui fermait la marche, ouverte par le Revenant. Le corsaire, d'ailleurs, avait médité et préparé la manœuvre. Par ses soins, 2 pièces avaient été débarquées de la Confiance et placées sur le voilier anglais à l'arrière. De cette façon, avait-il dit, nous aurons la satisfaction de les faire recevoir en amis par leur ancien compatriote. Il avait demandé à Clavaillant de se tenir en flanc de la colonne. « As-tu parmi tes hommes un gaillard résolu qui veuille risquer une grosse chance de faire du mal aux Anglais s'il n'est pas tué ?»« Je crois avoir ça, » répondit ardemment le marquis. Et à son tour, il appela Evel et Ustaritz et leur demanda sans détour, « Garçon, lequel d'entre vous consentirait à rester sur le Good Hope avec une 15aine de lurons pour recevoir le premier coup de feu de l'Anglais ?»« Dame, » fit Evel, « c'est à vous de choisir, commandant. » Car je crois bien que si vous nous consultez, chacun de nous dira « Amen ». Je tiens pourtant à ce que vous le décidiez vous-même. Le pot était hasardeux, et il y a 90 chances d'y rester. Pourvu qu'il y en ait 20 d'en sortir, s'écria insoucieusement le Basque. Je suis tout prêt à faire ce qu'on m'ordonnera. Et moi, dit Evel, si l'amiral me promet un bon baril de vin ayant fait la traversée, je suis tout prêt aussi à tenir compagnie à Piarry. Je te le promets en son nom, Breton de Roche, répliqua Clavaillant, et je te permets de suivre Ustaritz à son bord. Pour lors, questionna celui-ci, que nous faudra-t-il faire? Le lieutenant de Surcouf leur demanda toute leur attention. Écoutez, dit-il, voici en quoi consiste le plan de l'amiral. C'était le titre que tous les matelots du corsaire donnaient à leur chef. Nous avons pris chasse devant les Anglais, mais c'est pour les attirer le plus loin possible, car indépendamment de ces 3 vaisseaux, une demi-douzaine d'autres s'avancent à notre rencontre. Leur approche nous a été signalée au moment du passage de Surcouf à Bourbon. Dès que ceux-ci seront à 1 mille de nous, nous reviendrons sur eux. Ce sera le grand branle-bas, et alors tant pis pour eux, tant pis pour nous. Or, l'essentiel est que nous évitions leur premier feu et que nous puissions les saluer de toutes nos batteries. Il faut donc que le Good Hope attire le plus gros des vaisseaux, c'est-à-dire la frégate qui marche en tête. Quand elle sera à bonne portée, elle lui enverra la double bordée de ses pièces de retraite. Mais un homme de sang-froid est indispensable pour diriger la manœuvre et se coller à l'anglais avant de faire sauter le trois-mâts. « Ça va, » dit paisiblement Ustaritz, « je crois que je pourrais faire ça. »« Et moi, » ajouta Ebel, « je doublerai volontiers mon matelot. »« Alors, on va vous donner 10 garçons solides de poste. Pouvez-vous compter sur vos Espagnols ?»« Caramba !» s'écrie le Basque. « Je te crois qu'on peut y compter ?» Depuis hier, ils n'ont pas cessé de grincer des dents contre les Anglais. Le plan fut exécuté à la lettre. Le Good Hope reçut ainsi un équipage de 20 hommes. Surcouf y avait attaché ses deux meilleurs canonniers, afin que la première et probablement la seule bordée du navire marchand, converti pour la circonstance en vaisseau de guerre, fit le plus de mal possible à la frégate anglaise. Cependant, celle-ci et les deux corvettes, ses acolytes, poursuivaient leur chemin et s'avançaient résolument sur les quatre navires. La distance encore trop grande devait les induire en erreur. Mais le courage britannique est surtout fait d'implacable ténacité. Le commodore Harris voulait savoir à tout prix ce qu'étaient ces trois bâtiments inconnus qui venaient de se joindre aux trois mâts poursuivis depuis 4 jours. Brave mais présomptueux, l'officier du roi George professait un imprudent mépris pour les corsaires. Cette outrecuidance était partagée par Sir George Blackford, commandant de la corvette Eagle. Au contraire, James Peterson, commandant la Queen Elizabeth, était plein de prudence et de raison. Mais ses sages avis l'avaient fait railler de son chef aussi bien que de son collègue Blackford. Ce jour-là, pourtant, il ne fut pas maître de ses appréhensions et se mettant en rapport avec le commodore Harris, il lui fit part de ses craintes. « J'ai quelques méfiances de l'allure de ces quatre bâtiments voyageant de conserve. Il y aurait lieu de nous assurer que le reste de l'escadre pourra, le cas échéant, nous prêter main forte. » Harris regarda son lieutenant avec un sourire de dédaigneuse raillerie. « En vérité, monsieur, êtes-vous prudent au point de ne pas oser attaquer deux navires de commerce dont l'un est un anglais qui nous a été pris par ruse et supercherie ?»« Cette ruse et cette supercherie prouvent que ceux qui l'ont conçu et exécuté sont des gens habiles, commodore. Ils ont dû se ménager des moyens de défense que nous ignorons. Quels moyens ? Le flibustier qui est venu jusqu'à Bombay tromper les imbéciles du civil service et tout au plus quelques convicts échappés de Botany Bay ou d'Aden et qui aura assassiné le capitaine du Good Hope. Il n'y a pas de français en cette affaire. D'ailleurs, y en eût-il eu que j'en serais ravi. Cela nous fournirait l'occasion de faire quelques bonnes captures. Votre seigneurie peut avoir raison. Je maintiens pourtant mon sentiment. Surcouf est un homme d'une extrême audace et il y aurait de la prudence, le commodore répliqua brutalement. La prudence prendrait un autre nom, monsieur. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Quant à votre Surcouf, je ne demande que l'occasion de me trouver en face de lui. Vous seriez aimable de l'en prévenir. Peterson blêmit sous l'affront, mais il ne répondit rien, et courbant le front, il regagna le Queen Elizabeth.